Gérard, t'es là? Ouais. Ça va bien? Alors jeudi, tu vas faire un débat qui va porter sur les métiers à risque. Les gens ont pensé. Alors j'espère que tu as des petites explications, parce que les gens ne comprennent rien pour l'instant. Il n'y a aucun appel. Hein. Ouais, ben ils comprennent rien. Mais c'est normal, tu n'expliques rien, abruti. Alors explique. Bah attends, et abruti, déjà, t'es poli. Attends, c'est toi qui me changes le débat en dernière minute. Il y a une photo horrible sur Internet, je ne sais pas, c'est un Gremlins dans un TGV. Ouais, on en a rien à foutre. Je te le dis au passage. Vas-y, c'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est quoi le débat? C'est quoi? C'est comment pour? Bon, alors, parce que t'as pas eu ta bouffon, c'était comme un cours. Allez, allez. Bon, le débat, ça va porter sur le truc des convoyeurs de fonds. Donc, surtout ça, donc, convoyeurs de fonds, les convoyeurs de fonds sur ça. Donc, comme c'est d'actualité à l'heure actuelle. Tu me suis? Oui. Non, apparemment... Je t'écoute. Vas-y, parle aux auditeurs. Donc, on va parler un peu de ce qui se passe à l'heure actuelle. Bah, on va pas faire un débat sur les convoyeurs de fonds, c'est sur les métiers, donc il n'y a pas que les convoyeurs de fonds. Non, mais on va prendre aussi... Les pompiers, les sauteurs à l'élastique. Non, pas aller sur l'élastique. Ça, le mec, c'est lui qui veut faire ça, c'est son problème. Non, mais on va prendre le truc des pompiers, ça, oui, parce que c'est un métier à risque. Qu'est-ce que tu ne veux pas entendre dans ton débat? Qu'est-ce que tu veux pas entendre dans ton débat? Ben, on va pas trop parler de vigile. Oh! Et du routier, aussi. Pourquoi? Non, parce que pour moi, vigile, le mec, c'est pas lui qui se fait braquer pour du pognon. Donc ça, les vigiles, on non, mais toi, tu veux pas faire... Non, mais t'es con, parce que là, t'es en train de faire un débat où tu veux tout porter sur les... Si on va porter sur... On va parler de... Attends, tu fais... Tu fais un débat sur les métiers à risque, ou alors faut toujours en revenir sur les... Les convoyeurs de fonds. Parce que là, quand tu parles d'argent, c'est pour reparler des convoyeurs de fonds. Convoyeurs de fonds. On va prendre les convoyeurs de fonds, les pompiers. Bon, on va prendre aussi les... on va sûrement parler des... Les pompistes, parce qu'avec l'essence, il peut prendre feu. Justement, on va parler des pompistes. On va aussi quand même parler quand même de routiers. Oui, parce que ça roule la nuit pendant des heures et c'est dangereux. Des patineurs aussi. Des citernes. Des conducteurs de voitures aussi, c'est un métier à risque. Quoi comme voiture? Les dealers, c'est un métier à risque. Les gardes du corps. Non, mais les dealers. Les enculés de routiers, là. Les enculés de routiers, toi, va te faire enculer toi-même, espèce de connard. Les dealers, est-ce que les dealers, c'est un métier à risque? Oui, c'est un métier à risque. Dans les boîtes de nuit, alors Les dealers dans les boîtes de nuit, les CRS, les policiers, dans ce cas-là, si tu vas avoir des problèmes, toi, sur ce débat-là, tu prends la responsabilité, hein. Tu vas faire toute ta vie des débats avec une olive dans le cul, ou un jour tu vas te lâcher un peu? Non, mais attends, on va faire ça, mais moi, je vais te dire une chose, que dans ce cas-là, moi, comme j'ai dit à Manu tout à l'heure au standard, demain, on vient, on en discute sérieusement. Non, demain, je suis pas là de la journée. Non, mais demain soir. C'est enregistré. Attends, il va encore falloir que je te trouve des idées à ta place. Moi, je trouve rien à ta place, hein, c'était débat. Hein. C'est le deuxième, t'as fait un carton la fois d'avant en audience, t'as intérêt à faire carton pour les deux derniers, là. Hein. Ouais, mais le dernier, on le fait avant que tu partes en vacances. On le fait Et là, on parle pas du dernier, on parle de l'avant-dernier. Donc, mets pas la charrue avant les bœufs. Pense déjà à gérer intelligemment ce débat-là, parce que déjà que t'as rien préparé, on est déjà mardi. On t'avait dit dans la voiture avec Sandy, quand tu nous as accompagnés, on avait dit le truc sur les autoroutes. Pilar m'a appelé cet après-midi. On fait un débat sur les autoroutes. Pilar m'a appelé, il m'a dit que c'est toi qui avais décidé. Parce que je pensais qu'on avait, parce que je m'en souvenais plus, puis comme toi t'as rien dit à... Bon, écoute, on en parle dans un instant, ne bouge pas. Mon Dieu, qu'il est con lui aussi.